Puis-je entrer, chère Yolande ? Oh, Bruyère. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Prenez ce tabouret près de moi. Mon oncle dort, comme vous pouvez le constater. Tout en sommeil, le cher homme. Mais je ne voulais pas venir seule. Il me fallait un chaperon. Que dites-vous de ce capitaine Fracasse, Marquis ? Ma foi, il faut reconnaître que cet histrion ne manque pas de talent, de savoir-faire. Vous faites mal à propos le discret. J'ai bien deviné que ce matamor n'est autre que le baron de Sidoniac. Ne l'ai-je pas vu partir de sa tour à hibou en compagnie de cette bohémienne qui joue les ingénues d'un air si confit ? Et n'était-il pas en votre château à la suite des comédiens ? À sa mine niaise, je n'eusse pas cru qu'il fût si parfait baladin et si vaillant compagnon. Car on m'a parlé du fameux duel. On ne parle même que de cela dans tout Poitiers. À vous dire, elle est jalouse, notre belle Yolande de Foix. Tiens, et qui est cette dame masquée dans cette loge là-bas ? On dirait que cette tournure, cette attitude me rappelle la marquise, ma femme. Mais ce n'est pas possible. Elle est au château, je l'ai laissée comme une épouse sage et patiente qu'elle est. Il faut que j'en aie le cœur net. Pardonnez-moi d'avoir à vous quitter si tôt, cher ami, mais je viens de me rappeler... Allez, cher ami, allez. La rumeur publique m'a aussi confié votre secret. Je n'aurai garde de vous retenir plus longtemps. Décidément, tout se sait dans Poitiers. C'est bien son parfum. Diable. Serait-elle amoureuse de ce Léandre ? Heureusement, j'ai fait bastonner ce fat par avance. Je suis en règle de ce côté-là. Oh ! Baron, vous avez joué d'une façon admirable et fantasque. Mais il ne faut point se livrer de la sorte. Un tel feu vous consumerait bientôt. L'art du comédien est de se ménager et de ne présenter que l'apparence des choses. Il doit être froid en brûlant les planches et rester tranquille au milieu des plus grandes furies. Jamais acteur n'a présenté si au vif l'emphase, l'impertinence et la folie de Matamor. Et si vous pouviez retrouver ces effets d'improvisation, vous emporteriez dessus tous autres la palme comique. N'est-ce pas que j'ai bien rempli mon personnage ? Oh. Je me sentais moi-même fort burlesque et fort bouffon dans la scène où ma tête passe à travers la guitare que Léandre me casse sur le crâne. Vous faisiez la mine la plus hétéroclitement furibonde et risible qui se puisse imaginer. Ah, mademoiselle Yolande de Foix, cette personne si belle, si fière, si noble, si sérieuse, a daigné en sourire. Ah oui ? Oh, je l'ai bien vu. Elle se met un grand honneur d'avoir diverti cette beauté. Oh, pardon. Ce succès qui nous enivre, nous autres, pauvres baladins de profession, doit être indifférent à une personne de votre qualité, bien au-dessus des applaudissements même illustres. Non, vous ne m'aviez point fâché, brave Hérode. Il faut faire bien tout ce qu'on fait. Mais je ne pouvais m'empêcher de songer que ma jeunesse avait espéré d'autres triomphes. Monsieur Léandre. Ah, te voilà, toi. Où est la marquise ? Je l'ai vu quitter sa loge à l'entracte. Voici une lettre qu'elle m'a chargée de vous remettre. En même temps que cette boîte. Merci. Hé, attends. Ma maîtresse a dit qu'il n'y avait pas de réponse. Pas de réponse. Cher Léandre, je crains bien que mon mari ne m'ait reconnu malgré mon masque. Je me suis retirée en toute hâte pour n'être pas surprise. La prudence, si contraire à l'amour, nous prescrit de ne pas nous voir cette nuit au pavillon. En attendant des occasions plus heureuses et plus commodes, veuillez bien porter cette chaîne d'or que mon page vous remettra. Puisse-t-elle vous faire souvenir de celle qui ne vous oubliera jamais et vous aimera toujours. Celle qui, pour vous, n'est que Marie. Ah, hélas, voilà mon beau roman fini. Ah, charmante marquise, comme je vous eusse aimé longtemps. Soyez tranquille, je ne vous compromettrai point par des flammes indiscrètes. Ce brutal mari me navrerait sans pitié et plongerait le fer dans votre blanche poitrine. Non, point de ces tueries sauvages, mieux faites pour les tragédies que pour la vie commune. Dû mon cœur enseigné, je ne chercherai point à vous revoir et me contenterai de baiser cette chaîne, moins fragile et plus pesante que celle qui nous a un instant unis. Combien peut-elle valoir ? Oh, 1000 ducats pour le moins, en jugé par sa lourdeur. Comme j'ai raison d'aimer les grandes dames. Elles n'ont d'inconvénient que les coups de bâton et les coups d'épée qu'on risque à leur service. En somme, l'aventure s'arrête au bel endroit. Ne nous plaignons pas. Ce soir-là, en rentrant dans sa chambre, Isabelle trouva au milieu de la table une cassette placée de manière à forcer le regard le plus distrait de la voir. Un papier plié était posé sous un des angles de la boîte qui devait contenir des choses fort précieuses, car elle était déjà un joyau elle-même. Le papier n'était point scellé, et contenait ces mots d'une écriture tremblée et péniblement formée comme celle d'une main dont l'usage n'est pas libre, pour Isabelle. Une rougeur d'indignation monta aux joues de la comédienne à l'aspect de ces présents dont plus d'une vertu eût été ébranlée. Sans même ouvrir la cassette, par curiosité féminine, elle appela Maître Bilot. Vous m'avez fait appeler, mademoiselle Isabelle ? Oui, Maître Bilot. Est-ce vous qui avez déposé sur ma table cette boîte enveloppée de ce papier où il est écrit « Pour Isabelle » ? Oh, pour cela, non. Je vous en fais bien le serment. L'écriture est tremblée. Celui qui a écrit cela n'avait pas la main très sûre. Il est facile de deviner qu'il a été récemment blessé dans un duel. J'avoue ne rien savoir de ce dépôt dans votre chambre. Tirez cela d'ici et rendez cette boîte infâme. Elle contient sûrement quelques joyaux destiné à parer votre beauté. Peu importe. Rendez ceci à son propriétaire, voulez-vous ? Et surtout, ne sonnez mot de la chose au capitaine. Quoique ma conduite ne soit en rien coupable, il pourrait entrer en des furies et faire des esclandres dont souffrirait ma réputation. Oui, mademoiselle Isabelle. Là, c'est sans doute une précaution inutile, mais Sigognac m'a bien recommandé de tirer le verrou. Non, il n'oserait pas. La fenêtre est fermée également. Il n'y a que cet œil de bœuf là-haut. Mais il faudrait être un enfant pour... Oh ! Une tête basanée, à longs cheveux noirs ébouriffés, était apparue dans l'étroite ouverture. Une petite fille de 8 à 10 ans se laissa bientôt tomber sur le plancher sans faire plus de bruit qu'une plume. Arrête ! Où vas-tu ? Appelez, pour qu'on te fasse sortir de ma chambre. Chut, ne crie pas. Tu ne cours aucun danger. Souviens-toi, Chiquita a dit qu'elle ne couperait jamais le col à la dame qui lui a donné les perles qu'elle avait envie de voler. Mais que viens-tu faire ici, malheureuse enfant? Ouvrir le verrou que tu pousses tous les soirs. On m'a choisi pour ça parce que je suis agile et mince comme une couleuvre. Il y a guère de trous par où je ne puisse passer. Et pourquoi voulait-on te faire ouvrir le verrou? Pour que les hommes puissent entrer et t'emporter. Mon Dieu, je suis perdue. Non pas, puisque je laisserai le verrou fermé. Ils n'oseraient forcer la porte. Ça ferait du bruit. On viendrait et on les prendrait. Oh, pas si bête. Mais j'aurais crié. Je me serais accrochée au mur. On m'aurait entendue. Ah, un bâillon étouffe les cris. Une couverture roulée autour du corps empêche les mouvements. C'est très facile. Le valet d'écurie était gagné et il devait ouvrir la porte de derrière. Qui a tramé cette machination odieuse? Le seigneur qui a donné de l'argent. Oh, beaucoup d'argent, plein les mains. Mais c'est égal. Tu m'as fait cadeau des perles. Je dirais aux autres que tu ne dormais pas, qu'il y avait un homme dans ta chambre et que c'est un coup manqué. Ils s'en iront. Oh, laisse-moi te regarder. Oh, tu es belle. Et je t'aime. Oh oui, beaucoup. Presque autant qu'Agostine. Merci, Chiquita. Je vais te faire un cadeau à mon tour. Tiens, prends. Un couteau? Le couteau de mon père. Garde-le. C'est une bonne lame. Mais je ne veux pas. Quand cette vipère vous pique, pas de remède dans la boutique. Vois-tu, on donne le coup comme ça. De bas en haut. Le fer entre mieux. Porte-le dans ton corsage. Et quand les méchants voudront te contrarier, paf, tu leur fendras le ventre. Cette leçon de couteau donnée la nuit, dans cette situation étrange, par cette petite voleuse hagarde et demi-folle, produisait sur Isabelle l'effet d'un de ces cauchemars qu'on essaie en vain de secouer. Tiens le couteau dans ta main, de la sorte, les doigts bien serrés. On te fera rien. Et maintenant, je m'en vais. Adieu. Souviens-toi de Chiquita. Chiquita. Passe par les trous de serrure. Quand je sors la porte des grilles, je les descends aux bouteilles. Isabelle attendit le jour avec impatience, sans pouvoir fermer l'œil. Au matin, elle raconta son aventure à ses camarades. Cigognac, furieux, ne parlait de rien de moins que saccager la maison du duc de Vallombreuse, à qui il attribuait sans hésiter cette tentative scélérate. Les choses se gâtent. M'est avis qu'il serait urgent de ployer nos décorations et d'aller nous perdre ou plutôt nous sauver en cet océan de Paris. Bien parlé, Blasius. Nous partirons demain matin. D'ici là, je ferai bonne garde. De Poitiers jusqu'à Paris, il n'arriva point d'aventure qui mérite d'être racontée. Nos comédiens avaient la bourse bien garnie et marchaient rondement, pouvant louer des chevaux et faire de bonnes traites. À Tours et à Orléans, la troupe s'arrêta pour donner quelques représentations dont la recette satisfit Hérode. Cigognac couchait dans la chambre la plus voisine de celle d'Isabelle, l'épée sous le chevet et tout habillé en cas d'algarade nocturne. Enfin, on arriva vers 4 heures du soir. L'hôtellerie choisie par Blasius était située rue Dauphine. Au moment où un valet venait dire aux comédiens que leur chambre était prête, un voyageur entra. C'était un homme d'une trentaine d'années, de haute taille, de physionomie déplaisante qui ne semblait pas inconnue à Cigognac. Mais ce dernier battit vainement le rappel de ses souvenirs. Pardieu, nous avons bien mangé. Et trop bu en ce qui te concerne, Blasius. Dors bien et ne ronfle pas par pitié. Oh.

Et soufflons d'abord ma bougie. Pourvu que la porte ne grince pas. 4, c'est bien cela. Ils sont massés devant la porte de la chambre d'Isabelle. Et l'homme de cet après-midi est avec eux, bien entendu. Il n'y a pas à douter, ce sont là les hommes de main du duc de Vallombreuse. Ceux qui nous ont assaillis à Poitiers. Ils nous ont suivis jusqu'ici. Leur maître n'a donc pas renoncé. Allons-y. Y a-t-il quelqu'un ? Oh ! Bonsoir, messieurs. Vous cherchez à vous loger, sans doute. Ah, non, je crains fort que toutes les chambres soient occupées. Qu'est-ce que ceci ? Une pince. Instrument propre à forcer les portes, si je ne me trompe. Les voilà qui s'en vont. Bon débarras. Le capitaine Fracasse, de Théophile Gautier. Adaptation, Serge Martel. C'était le 7e épisode, avec Éric Dufaille, Sigognac, Isabelle Duby, Isabelle, Fred Persson, le tyran, Angelo Bardi, Blasius, Claude Giraud, le marquis de Bruyère, Linette Lemercier, Chiquita, et Jean-Noël Sissia, Étienne Bierry, René Berthier, Tuc Dual-Rio, Anne Rousselet, François Chaumette. Musique originale, Pierre-Max Dubois. Bruitage, Alain Platiot. Chef opérateur du son, Pierre Mine. Collaboration technique, Serge Ristich. Réalisation, Claude Chebel, Evelyne Frémy. Assistée de Marie-Rose Derouet.